EDF, le projet Hinkley Point marque la relance du groupe nucléaire en Europe. La Grande-Bretagne a dit oui hier au projet de centrale nucléaire type EPR d'Hinkley Point qui sera donc porté par EDF. EDF qui confirme au passage qu'il réalisera son projet avec son partenaire chinois. Au lendemain d'un conseil municipal houleux à Belfort pour évoquer le sort des salariés d'Alstom, la tribune ce matin de Jean-Luc Mélenchon sur lemonde.fr. Le député européen candidat à la présidentielle estime que dans l'urgence de la situation, la nationalisation d'Alstom Transport est indispensable. Jean-Luc Mélenchon accuse ses dirigeants d'incompétence et de mensonges et ils doivent être écartés, dit-il. Le pillage et le dépeçage de cette entreprise doivent être stoppés d'urgence. La nationalisation d'Alstom, c'est peut-être une solution, mais la solution, je ne l'ai pas. La critique en creux de Benoît Hamon ce matin, le candidat à la primaire socialiste dénonce tous les candidats en fait à la présidentielle qui s'improvisent pompiers d'Alstom. À propos enfin de la primaire socialiste, Benoît Hamon ira jusqu'au bout et il dit tout seul, pas de ticket avec Arnaud Montebourg. On peut, dit-il, avoir des amis et être capable d'avoir un débat public sans invective et intelligent si possible. Le procès pour fraude fiscale et blanchiment de Jérôme Cahuzac tire à sa fin. C'est au tour aujourd'hui de ses avocats de plaider. Hier, le parquet a requis 3 ans de prison ferme contre l'ancien ministre du Budget. Selon le procureur, c'est le juste prix de la trahison pour avoir sacrifié tous les principes à l'appât du gain. Jérôme Cahuzac a reconnu une faute impardonnable. Il assure qu'à 64 ans, sa vie politique est terminée. La trêve tient comme elle peut en Syrie, mais il reste des points stratégiques où ça coince, entre guillemets. Illustration sur la route du Castello qui mène à Alep. Les forces gouvernementales syriennes et les rebelles n'en sont toujours pas partis. C'est par cette route que la livraison d'aide humanitaire doit pourtant passer. Un responsable rebelle explique que le retrait simultané des factions en lutte fait toujours l'objet de discussions. Les rebelles reprochent au régime de ne pas respecter la trêve. Il y a ceux qui sont déjà arrivés au péril de leur vie, 128 000 migrants depuis le début de l'année arrivés en Italie, et il y a ceux qui continuent de vouloir rejoindre la péninsule. Selon l'ONU, 235 000 migrants en Libye sont prêts aujourd'hui à partir pour l'Italie. PSA appelle ça un partenariat stratégique. Le constructeur automobile français annonce ce matin qu'il va s'allier avec Divergent, une start-up américaine qui va lui permettre de développer l'impression métallique en 3D. Cette technologie est susceptible de révolutionner à terme la manière de concevoir et de fabriquer une voiture. Ce futur partenariat ne prévoit pas à ce stade de prise de participation. Enfin, plus de 350 cactus protégés et menacés ont été saisis à l'aéroport de Roissy. Selon les douanes qui donnent cette information ce matin, certains des cactus avaient plus de 200 ans. Ils sont aussi rares que les rhinocéros, disent les douanes. Ils étaient envoyés par des colis postaux sur le descriptif de jouets, thé ou pâtisserie. Ils arrivaient du Mexique et étaient à destination de Hong Kong. Valeur estimée 80 000 euros. Ils ont été confiés au Muséum national d'histoire naturelle. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission énervée du soir. Laurent Goumard. 2 heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce jeudi, c'est la remise des prix. Annette Messager, notre bricoleuse de l'art contemporain, vient d'être consacrée par le prix Premium Impérial, l'équivalent du prix Nobel des Arts. Et puis en deuxième heure, Rocard est mort, vive Rocard, quel avenir pour la gauche. Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter, à partir de 22h. Une Yaris hybride. T'as encore été augmenté ? Ben non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois ? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là ? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Duc de Gotland, de Christian Dietrich Grab, mise en scène de Bernard Sobel, jusqu'au 9 octobre au théâtre de l'Épée de Bois, La Cartoucherie. Tu vivras éternellement ton éternel suicide. Je ne me laisserai pas condamner par Dieu. Avec notamment Denis Lavant, Mathieu Marie, Jean-Claude Jay. Ta soif de vengeance, pour te tromper toi-même, tu l'as baptisée justice. Retrouvez le Duc de Gotland dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Et quand on vous dit qu'il se passe toujours quelque chose sur France Inter, prouvez-le. La preuve, Nagui. Et l'homme. L'être. Comment on s'en sort ? Laetitia Rodo. Petit, certes, mais parfait. Ok, donc il faut l'arrêter là maintenant. Laetitia Gaillet revient vous informer à midi, pile, à tout c'est à l'heure. Ça. Merci. C'est la bande originale, oui. Soyez les bienvenus. Bonjour. Avec Leïla Kadobouladi. Bonjour. Alison Wheeler. Oui. Daniel Morin. Oui. Albert Algou. Oui. Richard Lambert. Bonjour. Et notre invité, Christiana Verdi. Bah Alison. Elle sera à partir. Elle sera à partir du 28 septembre prochain jusqu'au 29 octobre. Il faut pas louper le rendez-vous, hein, au théâtre du Petit Saint-Martin, sur scène avec celui qui jouera son fils, Robin Cosse, en l'occurrence. La pièce est de Fabrice Melchiot, la mise en scène de Charles Templon. On dit Templon ou Templon? Templon. Templon. Très bien. Charles Templon. Et c'est le père Albert surtout qui a compris pourquoi on avait invité Christiana Reali. Eh bien, sir Nagui. Bienvenue, mon père. Oui. Mais je vous remercie. Elle est là pour nous rappeler la recette de la soupe au reste de courge et celle du cake au coco malencontreusement parfumé aux champignons en poudre. Mais évidemment, Christiana, je te remercie. Vous l'avez appelée comment ? Christiana. Oui, je mets des i partout en ce moment, je prononce. Christiana. Merci. Père Albert, de nous aider aussi dans cette pièce à répondre à une question fondamentale. Faut-il appeler nos parents par leur prénom ou les appeler maman ? Et papa, ou encore mère et maman. Père. Alors personnellement, je suis partagé car certains jeunes en recherche, dont je m'occupe de très près, m'appellent mon père. Mes jeunes scouts m'appellent Père Albert. Et dans les contre-allées du bois de Boubou, dans l'allée des branleurs derrière l'ambassade de Russie où je garde ma camionnette, certains noctambules m'appellent carrément Bébert. Mais surtout, je te remercie, Christiana, de nous aider à comprendre que rien n'est plus précieux au monde pour un fils que d'avoir... un papa, une maman, un papa, une maman. Car dans « ma », je parle de la pièce, du rapport prononcé « ma », ton fils Gobi, dans le fond, souffre cruellement de l'absence de son papa, dont tu ne redores guère le blason, puisque tu dis de lui qu'il est un sale individu. Alors ceci dit, il y a une saleté encore pire proche de Gobi. Dans la pièce, hein. Je veux parler de cette Suédoise, véritable boule de vis nordique, dont il a heureusement la force de se déprendre pour retrouver sa maman. Alors si j'ai un bémol à apporter à cette pièce, je dirais que « maman » ne donne pas une image exaltante du rôle parental. Je te cite encore, enfin je cite Brunella, Christiana. Le personnage que tu es. « On est comme les porcs, les hommes et les femmes, capables de bouffer leurs gosses et de se rouler dans la boue. » Alors quant à l'amour que sont supposés se vouer mutuellement un papa et une maman, tu as cette phrase édifiante. Christiana, je te cite, enfin je cite Brunella, l'amour est plein de verbes irréguliers. Eh bien c'est une affirmation qui est à la fois une métaphore amère sur la fidélité conjugale, mais aussi une vérité grammaticale, je mets des accents sur le bâton, d'une très grande subtilité. Par exemple, écoutez-moi bien, dans ces deux propositions juxtaposées, mon mari me trompe avec tout le quartier, il aurait fallu que je le sache. Il est évident que le verbe savoir prend un tout autre sens si, comme l'exige la concordance des temps, on le conjugue au subjonctif imparfait, ce qui donne « mon mari me trompe avec tout le quartier, il aurait fallu que... » Non. Bien sûr que je le suce. Mais je dois m'interrompre car mon ami le maréchal Ganache, qui est venu avec moi... Oui, je suis là. Dédoublement de personnalité. Bienvenue. Un message important à faire passer. Ah ben, c'est pas trop tôt. Alors, je souhaite... Attends, il faut que je me mette en bouche. Je souhaite relancer un appel que j'avais déjà émis sur cette antenne début juillet dans l'émission À vos poils. Excellente émission. Pour pouvoir me rendre dès ce soir à Rio... aux Jeux paralympiques qui se terminent et où je dois participer aux épreuves de saut à la perche en fauteuil, épreuve chère à Daniel Morin. J'adore. On est l'inventeur. Cher étant le... J'ai besoin d'être assisté. Bonne anglaise. Je recherche donc, pour être mon auxiliaire de vie et plus si affinité, une personne parfaitement bilingue, français-brésilien, si possible née à Sao Paulo, très très jolie, charmante, piquante, les yeux bleus clairs, vêtue d'un chemisier blanc, avec des bracelets au poignet. Alors Nagui, si prochainement vous venez à croiser une telle créature, prière de m'en signaler. Je vous remercie. On évitera. Merci. Père Albert et Maréchal. Merci. Sur France Inter. C'était donc Albert Algou, la vision d'Albert Algou de cette pièce Mans, interprétée par Christiana Reali et Robin Cosse. On est à quelques jours à peine de la première, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de le propos de la pièce. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Christiana? Très excitée, au fait. Merci d'ailleurs de me recevoir parce que ça... C'est ça, normal, c'est ça, normal. Ça, j'arrête pas d'en parler tout le temps, donc tant que je peux en parler, je profite. Non, je suis très excitée parce que c'est une pièce déjà géniale. Parce qu'elle parle d'un rapport donc, de mère-fils, c'est une comédie avant tout, oui. Puisque je crois que, donc, que vous l'avez lu. Oui. Et c'est une comédie d'où sa mère, sur le rapport mère et fils, elle l'a eu à 17 ans, donc c'est presque, ce sont deux grands adultes, elle a 47 ans. Mais ils sont très proches, ouais, c'est ça. Et il a 30 ans, et ce garçon... et c'est cette fusion qui fait que une mère ne lâche jamais son garçon. Alors justement, moi je voulais savoir dans quel état d'esprit vous étiez, vous, la comédienne, avec le trac, les répétitions, j'apprends le texte, je suis prête, je suis pas prête, j'y retourne plusieurs fois, les indications du metteur en scène, tout ce... Vous êtes une traqueuse. Tout ce qui se passe avant, ouais, c'est ça. Je suis très traqueuse, surtout maintenant, parce qu'il nous reste 15 jours et que je me dis qu'on n'aura pas assez de temps, qu'on sera pas prêt. C'est ça, oui. Que ça, ce truc-là, ça marche pas. Mais ça, tous les comédiens se disent ça, évidemment. Oui, après, c'est vrai aussi que, bon, j'aime bien travailler dans le confort. Et du coup, on prend beaucoup de temps au départ. Mmh. Et arrivé vers la fin, on s'est dit, mais on n'a pas fait ça, on n'a pas fini, tout ça. Donc voilà, mais je suis très excitée surtout parce que j'adore cette pièce. Alors, est-ce que vous êtes du genre à faire des cauchemars? Il y a beaucoup de comédiens qui rêvent qu'ils arrivent nus sur scène. Il y a quand même des cauchemars récurrents selon les professions. C'est un cauchemar quand Christiana s'imagine rentrer nue sur scène. C'est un cauchemar. Pour d'autres, ça peut être un fantasme. Mais ça, j'allais venir. Alors, je ne fais pas de cauchemars pour une bonne raison qui est que je ne dors pas. Voilà, c'est sûr, tout ça. À ce point-là ? Non, je ne dors pas en ce moment. Je cogite, j'arrive pas à m'endormir avant je ne sais pas quelle heure. Il faut boire. Faut boire, c'est vrai. De l'eau. Il ne faut pas lui dire ça. Après, je ne peux plus répéter. Il ne faut pas dire ça. C'est une épicurienne. Elle aime tout ce que la vie nous apporte de plaisir, Christiana. Pour cette pièce, donc, ce sont plusieurs conversations étalées dans le temps, avec des anniversaires, avec justement une progression d'âge, mais une omniprésence dans leur rapport. C'est-à-dire qu'ils vivent vraiment ensemble. Le cordon ne peut pas être coupé. Et tout y est dans les déclarations d'amour comme dans les problèmes de communication entre mère et fils. Exactement. Alors, c'est surtout des 5 moments clés, à la fois drôles. Ça commence par l'anniversaire, par les 30 ans. Alors, c'est plusieurs anniversaires, c'est en fait. Et où ils sont tous les deux, à Modane, il faut le signaler, parce que c'est quand même très important. Modane est très présent dans cette pièce. On n'est pas loin de l'Italie, l'Italie aussi est présente. Au fin fond de la Savoie, ben oui. Oui, puisque c'est la frontière. Proche. Et c'est un garçon donc qui prépare son propre anniversaire au fait, et sa mère va pas le supporter, ça c'est pas possible. Bah déjà elle supporte rien venant de lui. Dès qu'il fait la cuisine. Alors elle est italienne. Les soupes. Faut le signaler. Mais c'est surtout des moments clés dans leur vie. Alors c'est pas des vraies conversations. On apprend à chaque fois des choses sur eux à chaque étape. Et jusqu'à la fin, oui, évidemment, il y a un secret, puisqu'on sait qu'il y a un lourd secret qui hante un peu cette famille, en fait. Et vous incarnez une femme assez géniale, vraiment riche en couleurs, qui peut être à la fois totalement déjantée, un petit peu râleuse, maniaque, lunatique. Enfin, il y a une palette incroyable, ça doit être réjouissant. Oui, c'est un petit peu... une mère un peu méditerranéenne, disons. Ouais. Excessive, mais en peu de temps, en une heure dix. Un condensé de... Voilà, ça se passe en 10 ans la pièce. Mais Fabrice Melchior, qui est un auteur aussi extraordinaire, qui est très souvent joué, il a mis ça en 1h10. Mais il y a beaucoup de poésie aussi, parce que peut-être Modane amène au fait cette poésie, de savoir qu'ils sont dans un petit cocon d'une petite maison, un petit pavillon et tout. C'est pas du tout glauque, ils sont pas miséreux. Alors au départ, il est un peu au chômage, après il va trouver du travail, mais c'est surtout le pouvoir des parents, quoi, et surtout cette femme qui était adolescente quand elle l'a eu et qui le fait de le garder à la maison la conserve. Oui, mais elle est à la fois maniaque et tête en l'air. En fait, c'est ça le paradoxe aussi du personnage. Oui, elle veut surtout qu'il ait besoin d'elle tout le temps. Donc à partir du moment où il prend un peu d'autonomie, ça la rend dingue, parce que c'est un peu sa c'est son départ, en fait. Et quoi, elle l'écrase, elle veut le dominer en permanence pour qu'il reste l'enfant, celui qui a besoin d'elle. Oui, elle veut soi-disant être la super mère qui l'élève, hein, qui dit non, attends, je vais te raconter un peu, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais en même temps, elle fait tout pour pas qu'il parte. C'est ça. Et donc, c'est un peu le pauvre, il est, et ce rôle de joué par Robin Cosse, qui avait joué déjà avec moi dans La Rose Tatouée, est un rôle génial parce que c'est pas Tanguy. Mais c'est quand même quelqu'un qui a été un peu manipulé aussi par sa mère et par la vie, le fait que son père soit parti. Et voilà, et elle lui rappelle souvent que ton père n'est pas là, mais moi je suis là. Ah ouais, y a une scène clé, Père Albert l'a évoqué tout à l'heure. Une scène clé, il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de est-ce que maintenant je t'appelle par ton prénom ou est-ce que je t'appelle maman. On ne va pas dévoiler le pourquoi du comment, mais c'est vrai que c'est quelque chose, être appelé maman par son enfant, vous qui êtes maman justement, c'est important toute sa vie de rester maman. Et il faut surtout pas, d'ailleurs je précise, hein, au mari qui écoute, que ce soit le mari qui appelle sa femme maman, sinon là c'est c'est un tueur. Maman. Maman. Ça dépend. Et maman, les pattes sont prêtes, ça marche pas du tout. Non, ça c'est un tueur. Oui, c'est ça. C'est un plaidoyer pour le célibat, votre truc. Non, mais on donne des codes. Alison, on prévient avant que vous fassiez des bêtises. C'est tout. C'est gentil, merci. Attention. Oui. Non, c'est vrai que c'est un moment important. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il s'appelle, il appelle Man. C'est-à-dire, c'est encore plus enfantin. Et c'est Man. C'est comme les petits enfants quand ils sont petits. Il y a le câlin déjà dans la phrase. Sauf que lui, c'est Man. Et à un moment donné, elle est dans ses problèmes aussi, parce qu'elle est quand même. elle aime encore le mari. On sent qu'elle a encore un amour pour le père qui est parti très fort. Qui a couché avec tout le quartier en plus. Oui. En fait, on ne sait pas trop. Est-ce que ça peut être un conseil à donner aux hommes pour que votre femme continue à vous aimer? Larguez-la. Bah, commencez par coucher avec tout le quartier déjà avant, non? Oui, mais je prends vos conseils très à cœur. C'est pas très grand, Modane. Christiana, est-ce qu'il y a un peu de vous dans votre personnage? Alors, non, mais il y a. Je pense que toutes les mères, surtout les mères à partir de l'adolescence en tout cas, vont se reconnaître dans ce personnage. Et tous les enfants un peu grands qui sont encore chez eux, chez les parents, vont se reconnaître aussi un peu. Parce que ça parle à tout le monde, au fait. Et à chaque fois que j'ai fait lire cette pièce... On a tous une maman, en tout cas. Donc ça, oui, ça parle voilà, à tout c'est monde. Ça. On est tous fils et, Ou enfants d'eux. Ou enfants. Et donc, alors évidemment, j'ai mis un peu de moi. Alors, évidemment, je ne vis pas du tout la même vie qu'elle. Tant mieux. Je déteste jouer des rôles quand je vis quelque chose dans la vie. C'est-à-dire que si je suis malheureuse dans ma vie, je n'ai pas envie de jouer un malheur sur scène tous les soirs. Ouais. Mais par contre, je me suis reconnue, oui, dans certaines choses. Et puis, j'ai aussi reconnu des choses que je ne veux pas faire avec mes enfants. Comme quoi. Mais avant même d'avoir lu la pièce, non, j'aime pas dire du mal de leur père toutes les 5 minutes, par exemple, alors que je suis séparée, tout ça. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Que vous interdisez. Ouais. Je, une même fois si par semaine, je suis énervée, je me retiens. Difficile. Mais j'aime pas. Alors qu'elle, elle y va, elle se gêne pas. Ah ouais, elle le désingue bien. Oui, ah c'est ouais. Sa place. Mais surtout, il faut pas que les enfants oublient que même si l'histoire d'amour n'a pas continué, ils sont des enfants de l'amour. Voilà. Au moment où ils ont été... Vous allez vite, là. Mais quand bien même, ils seraient pas les enfants. Ils seraient pas les enfants de l'amour. Ça place simplement les enfants dans un conflit de loyauté et ça leur demande de faire un choix qu'ils n'ont pas à faire. Moi, je me demandais, on a lu le texte, on n'a pas encore vu la pièce sur scène. Vous parliez de ces 5 conversations qui s'étalent dans le temps. Comment est-ce que la mise en scène va servir cette temporalité dilatée? Alors justement, c'est ça qui est... C'est quand même... c'était une très bonne question. La temporalité dilatée. Bienvenue sur France Inter. En même temps, c'est un film de Marc Dorcel aussi. Hein. Le problème, c'est que... On peut pas travailler comme ça. Aïe. Non, le problème... Après une question pareille... Je vais ramener la question à mon niveau. Comment on fait pour que tu sois plus vieille au fur et à mesure de la pièce? Alors, il va falloir que je réponde aussi avec autant d'intelligence. Ça va être un peu plus difficile. Mais bon, non. En gros, le parti pris est qu'elle est restée une adolescente des années 80. Mmh. Et donc, c'est resté un peu dans le jus. Sa maison, c'est intemporel, mais elle est restée un peu dans le jus. D'ailleurs, je ne sais pas si... dans l'affiche, on voit qu'elle a un côté fan de Kim Wilde, quand même, un peu, ou de Blondie. Oui, voilà. Oui. Et que c'est... On a imaginé une femme qui a dit, voilà, qui a 17 ans est restée bloquée. Et tant qu'elle a son fils, elle est encore like a virgin, Kim Wilde et tout ça. Voilà. Mm-hmm. Et qu'elle ne veut pas perdre ce côté, un peu comme ces looks de... comme les gens qui étaient fans de Sylvie ou de Johnny, qui gardent un peu encore la coiffure. Alors, même. Je connais des fans de Sheila. C'est vrai, c'est un peu ça, non? Oui, tout à fait. Et voilà. Alors, elle ne le dit pas, hein, qu'elle est fan de Blondie ou de Kim Wilde. Elle est restée scotchée à une période musicale. Voilà. Ouais. Et là, sa maison aussi est restée un peu, un peu allez, vintage, oui. Disons, mais en même temps, intemporelle. Et elle l'élève comme un enfant de cette époque-là, puisqu'il ne connaît qu'elle. Donc, lui aussi, il va devenir un enfant un peu vieux pour son âge, en fait. Et voilà. Donc il y a des références musicales, quand même, dans la pièce. Il me semble qu'à un moment donné, on entend, ou on peut deviner. Oui. Je crois que le nom est cité, non, dans le texte. Pino D'Angelo. Ah, oui, Pino Daniele. Ah, c'est Pino Daniele. Ouais, Pino Daniele. Ah, tu veux une chanson, Lisa, là-dessus? On a coutume de dire que la vie est dure, moi je veux pas pour le futur. Quelle aventure, ça c'est un remix de les années 90. Ah oui. Ma quella idea, Pino D'Angelo. On oublie, alors non, c'était Pino Daniele et moi j'ai... Oui. Mais ça peut être aussi... Non, je voyais Pino bien dans ces années, dans ces années-là, c'est... le côté un peu disco italien, dragueur, séducteur, parce qu'elle attend aussi un tout petit peu l'amour, cette maman. Et n'ayant pas l'amour conjugal, elle récupère l'amour de son fils. Elle le boit même. Elle en consomme presque. Elle est pas, c'est pas du tout incestueux, mais c'est ambigu quand même. C'est une fusion. En plus, c'est un homme maintenant. C'est plus un adolescent. Voici le moment où Leïla, si on peut juste retirer la clé d'ordre, merci, dans le casque, ça m'arrangerait, parce que là pour l'instant j'entends tout ce qui se passe en régie, tout ce qui se passe en tête. Merci, moi aussi. Moi j'entends ce qui se passe à la cantine. Moi. Super. Ça y est, tout est revenu dans l'ordre. Les inconvénients du direct. Vous avez les oreilles qui ont sifflé, nous elles ont bourdonné, mais vous elles ont sifflé. Et oui, elles ont sifflé. Quand vous annoncez la venue de Christiana. Absolument, et immédiatement, Christiana, j'ai pensé à un film où je vous ai vu récemment. Et toi, tu bossais dans quoi ? À la SNCF. J'avais réussi mon examen parce que j'étais arrivé en retard. Ils ont trouvé que j'avais l'esprit de la maison. Alors ? On n'attend pas Patrick ! Voilà, c'était Claude Brasseur. Et pour finir, la voix de Franck Dubosc dans Camping 3. Christiana est à pleurer de rire. Voilà, vous incarnez cette femme à qui il est difficile de faire du pied. face à Antoine Duléry. Et ça m'a fait plaisir de vous voir dans ce film. Non, mais vraiment, parce que j'ai trouvé que c'était aussi une façon d'être dans une forme de contre-emploi. Je vous vois beaucoup au théâtre. Vous avez aussi cette image-là. Il y a le parallèle avec la télévision. Et tout d'un coup, là, au cinéma, vous voir dans ce rôle très, très amusant, très drôle, je me suis dit que c'était aussi une belle façon d'être exposée. Oui, après, moi, j'aime bien me marrer aussi. Oui, donc, quand Fabien m'a proposé, Oteniente m'a proposé ce rôle, j'ai trouvé ça tellement drôle à faire que c'est vrai que je préfère souvent faire des petites apparitions qui m'amusent que... un rôle moyen. Que des longues apparitions chiantes. Oui, voilà. Non, et c'est vrai que je me suis bien marrée à le faire et à m'imaginer aussi le faire. Et on s'est bien marrée, vraiment. Sauf que, en même temps, ce que sous-entend Leïla, c'est que vous n'avez pas cette image. Vous êtes Alors que nous, on vous reçoit, on vous voit, on vous connaît, on vous trouve toujours très souriante. Vous avez une image très, très chic de, ouais, justement, de théâtre, mais pas de forcément film très populaire de la grosse déconne. Non. Parce que j'en ai pas beaucoup fait. Mais parce qu'on ne vous l'a pas proposé. Et pas parce que vous les avez refusés. Non, j'ai pas refusé, non. Voilà. Ouais. Non, mais c'est ça. Donc, cette étiquette-là vous colle à la peau, finalement, d'être trop sérieuse. Et on se dit, on ne va pas lui proposer parce que c'est pas son genre. Oui, non, je ne suis pas sérieuse parce que, quand même, avec le temps, à chaque fois que je fais un projet, on en parle comme ça. On me dit, mais c'est drôle, là, vous êtes comme ci, alors que d'habitude, vous êtes comme ça. Et donc, avec le temps, quand même, ça devrait. L'habitude a changé. Ouais. Voilà, quand j'ai fait Good Canary, je faisais une droguée anorexique. Oh, tout le monde m'a dit. Voilà, tout le monde me dit, ah, dis donc, ça fait quand même presque 8 ans. Ouais. Et ainsi de suite. Je change à chaque fois, même là on me dit t'as envie de jouer une mère qui a déjà un enfant de 30 ans, ça te vieillit, ça te vieillit, voilà, alors que je dis elle a 47 ans au début de la pièce, donc c'est même plus jeune que moi. Non, Christiana, non. Non, mais un an plus jeune. Non, mais je veux dire, c'est voilà, après je joue ce qui m'amuse. Aujourd'hui, franchement, je pense pas à me dire j'ai une carrière, il faut que je pense à ça, sinon on va pas me proposer ça. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous voir dans Camping 3. Je vous ai trouvée excellente. Et puis, quand je pense à vous, Christiana Reali, je peux pas m'empêcher de penser aussi au couple que vous formiez avec Francis Huster. Notez bien, si ça part mal, la représentation ou la scène, arrêtez. On ne se rattrape jamais d'un mauvais départ. Ici, c'est une masterclass visible en ligne. Est-ce que c'est... Ah bon, c'était pas un dîner entre potes C'était pas une blague qui commençait à raconter. J'étais là, je traînais, en fait, et j'ai pris un son. On sent la grosse déconne qui arrive. Francis, la déconne, quoi. Mais c'est intéressant. Cette série de vidéos est intéressante. Bon, bah, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Non, mais c'est quoi cette masterclass? Et bah, je vous le dis comme ça. Et est-ce que c'est... Vous êtes souvent donc, associés, encore mm-hmm. maintenant, je sais bien. Est-ce que c'est pénible? Et est-ce que vous continuez, par exemple, dans ce cadre professionnel, à échanger sur les choix, les pièces? J'imagine qu'on a besoin de conseils autour de soi pour décider des choses et réciproquement. C'est, au fait, on parle beaucoup, on se voit souvent. J'ai des enfants avec lui, donc et on est en bon terme, ouais. Et donc on discute. Vous n'avez toujours pas rendu votre passeport. Ça joue aussi, hein. Vous êtes obligés. Oui. Non. Et donc on discute beaucoup, puis on se croise beaucoup dans le milieu. Ouais. Voilà. Après. C'est quelqu'un d'important, il a compté beaucoup déjà pendant 20 ans, et puis là, c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille. C'est comme si on se dit, j'en ai fâché avec quelqu'un de sa famille. Oui. Alors voilà, on ne vit plus ensemble, je ne lui demande rien, je ne lui demande pas de me donner des conseils. On discute. Oui. Après, je ne suis pas spécialement ce qu'il me dit. Son avis compte quand même pour bien vous. Bien sûr, comme d'un ami, mm-hmm. en fait. Et alors, enfin, ce que l'on sait moins de vous, Christiana, c'est que vous avez débuté par des études de droit et que vous avez eu l'occasion de rencontrer l'ex-garde des Sceaux, le brother du Dalaï Lama. La rencontre a eu lieu hier, une légende dans l'avancée des droits de l'homme en France. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Ah, ça file la chair de poule. On reconnaît bien Francis, hein, dans le... un très bon texte, hein, une diction parfaite. Oui, Robert Badinter. Ah, bah, c'est une grosse casserole, quand même. Je sais. Parce que je voulais pas... Bah, si vous y allez, on est obligé de raconter. Ah, bah, je pensais que vous étiez au courant, c'est pour ça. Oui, je suis au que courant. Que vous alliez en parler. Bah, je voulais pas en parler comme ça, je voulais juste dire que c'était quand même une... C'est quoi la grosse casserole? Un moment gênant, 11h27. Ah oui, moi, je suis pas au courant. Montez le son. Alors, gênance. une petite gênance, vous le confessez gentiment, donc je me dis, allez-y. Non, oui, je le raconte. C'est quand j'étais donc étudiante en droit. Vous avez couché avec lui? Non, j'ai eu l'occasion par des amis communs de rencontrer, Robert Badinter, qui était donc au Conseil constitutionnel à l'époque. Ouais. Et parce que je faisais du droit, mes parents n'en pouvaient plus. Elle fait du droit en France, elle fait du droit en France. Mes parents, pour eux, c'était incroyable. Le must, ouais. Bah oui, tout ça. Et comme on avait des amis communs avec Badinter, cet ami m'a fait rencontrer comme si je rencontrais Robert Badinter alors que je venais de m'inscrire à Nanterre en droit, quoi. Enfin, je sais pas ce qui. Mais moi, ceci dit, c'est la personnalité politique que j'admire le plus, au fait, parce que c'est quelqu'un vraiment... Vous le suivez toujours sur ses positions. Elle est où, la casserole? Alors, on continue, parce qu'en fait, il vous a dédicacé un que sais-je. Il m'a dédicacé, j'ai été le voir, et j'avais une petite constitution, que sais-je, pour travailler en cours. Mm-hmm. Et il m'a dédicacé, il m'a fait une très jolie dédicace pour Christiana, belle carrière dans le droit, nanana, beaucoup de succès. Nanana. Bonne chance, c'est un beau métier. Voilà, bonne chance, c'est un beau métier. Et t'as fait la même? Non, et arrive. Ouais, je l'ai vu hier. C'était un petit que sais-je, où on pouvait l'utiliser, parce qu'il y avait les articles de la Constitution, pour faire les contrôles, les examens. Et ce jour-là, on arrive aux examens et à Nanterre, et il dit, vous rangez votre Constitution, vous n'avez pas le droit à la Constitution. Aïe. Et là, parce que j'avais mis, c'est vrai, des petits passages de cours dans ma Constitution que je n'avais pas pu apprendre. Et donc, je l'ai caché. Et juste avant, donc il commence, c'était un grand amphithéâtre, il commence à distribuer les feuilles. Et alors, juste avant, je regardais les petits passages et tout ça, je regardais. Arrive l'examinateur qui fait... Il vous pique le que sais-je. Et il ouvre et il voit que j'avais plein de petits cours comme ça. Ah. C'est pas bien. Et il voit la dédicace de Robert Badinter. Et là, j'avais tellement honte. Il me dit, Il fait, eh ben dis donc, ça commence bien. Voilà, je venais de tricher à un examen avec la dédicace de Rosalie. Nagui a eu son bac. Non, mais j'ai quand même arrêté le droit. Parce, ouais. parce que je me suis j'avais, dit. Bon. Non, mais moi j'avais juste peur que ça finisse par l'inspecteur vous confisque le que sais-je et vous prive de. Ah non, il a confisqué momentané, mais après quand j'étais le récupérer, il m'a dit, vous n'avez pas honte quand même. D'accord. Mais ouais. C'était quand même. Parce que ça se garde à vie. C'était à cette époque-là quand même. C'était dans les années. Bon, on ne dira pas. 80. Mais un peu. Ouais, presque 90 quand même. Ouais. Et vous faites pareil sur scène, vous avez des antisèches cachés? Non. Non, jamais. Non, parce qu'il y en a qui font ça. Je suis trop stressée, je crois que je ne trouverai même pas la phrase. voilà. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de revoir Badinter? Une ou deux fois, j'en ai jamais parlé, mais bon. Mais j'ai arrêté le droit, donc il doit être content. On a pris quelques années de votre carrière, et c'est... Ah oui, mais je finis ma phrase et tout. Et en fait, ça lui prend de temps en temps dans la journée, devient schizophrène. Non, je réponds à la régie qui me fait « Mais non, mais oui, qu'est-ce que je fais ?» Je dis ce qu'on va faire. Ça, donc oui, il me parle comme ça, si tu savais. Donc la bande originale de La vie de Christiana Reali, ça sera tout de suite après l'humeur d'Alison Wheeler. Bonjour Christiana Reali. Vous m'avez fait rire... Dans beaucoup de... Dans l'ascenseur, quand elle est arrivée. Et vous m'avez fait vivre des grandes émotions à l'écran. Terre Indigo, c'est toute ma jeunesse. Alors j'ai décidé de vous rendre l'appareil en vous interprétant une chanson de R&B que m'a inspirée la grande injustice que vit Jérôme Cahuzac en ce moment, accusé de fraude fiscale. Alors qu'en vrai, on a tous bien compris que c'était pas sa faute, hein. Alors pour lui, pour toutes les victimes, je vais chanter ma révolte contre l'injustice. Yes. Cette chanson, c'est pour tous ceux que c'est pas de ta faute. Allez, levez vos verres de champ ou vos sons d'urinaire, c'est la même couleur. Yeah, yeah. Non, non, non. C'est faux. C'est pas de leur faute. Excuse trouvée, à moitié pardonnée. C'est pas de leur faute. Tout le monde fait des erreurs, bébé. On va juger, faut pardonner. Coûte que coûte. Faut pas juger, faut leur donner le bénéfice du doute. C'est pas leur faute, les meufs qu'avaient 8 bonbonnes de gaz en voiture. Y'avait peut-être un barbecue géant, mais pour mannequin sans nourriture. Mon dernier mec, c'est pas sa faute s'il m'a refilé des morpions. C'est juste qu'il aime les animaux, et non, c'est pas Émeric Caron. Romer Ménard, c'est pas sa faute s'il aime pas trop les Français noirs. Peut-être qu'il aime que les gros cons parce qu'il dort avec son miroir. C'est pas sa faute à Denis Baupin s'il a harcelé comme on ose. C'est juste qu'il aime les belles plantes. Pour un écolo, c'est la base. Oh yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. Attention Denis, les chlamydia c'est pas une plante. Oh yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. Non, en France Inter. C'est pas de leur faute. Excuse trouvée, à moitié pardonnée, yeah. C'est pas de leur faute. Tout le monde fait des erreurs. Leïla, oui. Faut pas juger, faut pardonner. Coûte que coûte, n'hésitez pas. Faut pas juger, faut leur donner le bénéfice du doute. Et puis c'est pas la faute d'Apple si le nouvel iPhone coûte un bras. C'est juste qu'un bras, bah c'est pratique. Comme ça ils peuvent nous mettre des doigts. Non, non, non, bah, non, si. Non, non, non. Et puis le réchauffement climatique, c'est pas de notre faute. Attends. Par exemple moi pour compenser, je laisse mon frigo ouvert tout le temps. C'est pas la faute à Kim Jong-un s'il tire trop souvent des missiles. C'est juste c'est tout ce qu'il peut tirer avec sa coupe de cheveux miskine. C'est pas de leur faute. Excuse trouvée, à moitié pardonnée, yeah. C'est pas de leur faute. Tout le monde fait des erreurs. France Inter. Yeah. Oh. Ok. 11h34. Ouais, bravo. Oh, c'est magique. Si ça pouvait, je ne sais pas, inspirer Laetitia Gaillet pour son prochain flash, qu'elle fasse ça. C'est génial. Je veux l'album d'Alison Miller. Il sort. Et ça me fait penser aussi à la chronique que tu avais faite face à Robert Bénard, où un jour tu lui avais dit, mais Robert, c'est parce que la petite Leïla à l'école, un jour, elle c'était t'a dit toi non. C'était moi, en fait. C'est pour ça que c'est devenu comme ça. Il y a un passif avec Bobby. Bobby, on s'entend très bien. C'était magnifique. Ah merde. Non, c'est pas vrai. Ah bon, d'accord. J'étais à deux doigts de te virer. Alison Wheeler, que vous pourrez retrouver bientôt sur scène. J'arrête pas de lui dire chaque fois que je la vois. Quand est-ce... Non, mais bientôt. Il faut que tu fasses un stand-up. Je le ferai quand vous mettrez de l'air conditionné ici. Donc ça n'arrivera jamais. Va amener son éventail. Voici la bande originale de La Vie de Christiana Reali. On va commencer en 1974, année où vous écoutiez Christiana. Mourir pour des idées. L'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Des textes qui sont toujours forts, frappants, extrêmement bien écrits. Vous avez grandi en étant éduqué justement avec des chansons de Brassens. Oui, au fait, quand on est arrivé du Brésil, c'était un peu cette ambiance-là. Alors, on a découvert Brassens et mon père est tombé fou de cette chanson. Donc, on a acheté le disque et en plus, on n'achetait pas grand-chose parce que comme on repartait très vite, on devait repartir. Il ne fallait pas être lourd. Voilà, c'était pas la peine de faire des dépenses utiles. Voilà. C'est resté un an ou deux en France, en gros. Pour on restait deux ans, à peu près pour deux ans, et on vivait dans des meublés. Dans un meublé, c'est ça, c'était plus simple. Et donc, on avait acheté Brassens, et au fait, on écoutait ça avec des films comme Montand, c'était son dieu vivant, tous les films de Costa Gavras, c'était cette ambiance gauche latino qui exilait, enfin. Politisée, oui. Oui, politisée, et qui donc ça parlait. Et du coup, c'est vrai qu'on a été bercés. Par ces chansons-là, par ces films-là. Et en fait, quand je pense à mon enfance, et c'est marrant parce que avant de venir, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais. Parce qu'on a déjà fait plusieurs interviews, tout ça, sur mon arrivée. Et je me dis, on m'a jamais demandé la chanson de notre arrivée. Et avec mes sœurs, j'ai dit, tiens, la chanson de notre arrivée, qu'est-ce que. Il y en avait deux, trois, qu'on pouvait mettre. Et elles ont toutes dit, Brassens, Mourir pour les idées. C'est-à-dire que ça a vraiment marqué cette chanson. En 1977, vous découvrez le théâtre et vous écoutez. Et à l'époque, c'est quoi ? Vous aviez des posters dans la chambre de là-bas avec vos sœurs ? Oui, enfin, j'avais pas beaucoup de posters, mais c'était vraiment moi. Voilà, c'est ça, les chorés, les paillettes, on adorait. Enfin, là-bas, c'est les chorés de Brassens aussi. Et vos sœurs ont eu une importance aussi dans votre vie, mais aussi dans votre carrière, puisque c'est elles qui tombent sur une petite annonce. Pour des cours de théâtre. C'est ma maman qui tombe sur un tract distribué dans le métro, un prospectus. Ouais. Et c'est une de mes sœurs qui s'inscrit en premier. Et en allant voir son spectacle de fin d'année, j'ai eu envie de m'inscrire aussi à ce cours, qui était le cours Anne-Florange au Théâtre des Champs-Élysées. Et on s'est inscrits toutes les trois, en fait. En 1996... Maître Gims. Buena Vista Social Club. Chan chan. La musique est très importante dans votre vie, vous l'écoutez souvent. Ouais. Ouais, parce que c'est. C'est quoi, le matin vous réveillez, vous écoutez des infos ou vous mettez de la musique? Alors, là je mets les infos. Je mets la radio ou les. Ou donc on se réveille pas de bonne humeur alors? Non. Non, pas. Non, mais par contre. C'est parce qu'on a ça maintenant aussi. L'iPhone, le téléphone. Et donc on met le casque toutes les 5 minutes dans la voiture. J'écoute beaucoup la radio dans la voiture, mais il y a toujours la musique. Enfin, c'est. Mais je trouve que la musique, ça nous. C'est comme les odeurs, au fait. C'est-à-dire que ça nous rappelle une époque, ça nous rappelle. C'était Madeleine, un lieu. Ça vous renvoie. Oui, c'est exactement. Madeleine de Proust, exactement. Et Chan Chan, alors, enfin, le Buena Vista, c'est vrai Social Club. à cette époque, donc en 96, on est parti 7 mois à Cuba, faire Terre Indigo. Oh là là. Et on est resté. J'ai parlé à ma sœur, à ma cousine de votre venue, elle n'en pouvait plus parce que c'était vraiment la saga qu'on attendait en vacances chez nos grands-parents. On n'avait que ça à faire et c'était, mais on attendait que ça, quoi. Par contre, vous avez vécu un sale moment, vous ne faisiez que pleurer sur, ce... sur cette série. Je me demande comment vous faites pour pleurer autant, non ? Ben, je ne sais pas, c'était sur 7 mois, je ne sais pas. 7 mois de larmes, Christiane. Non, mais c'est... la musique peut me faire pleurer. L'émotion, c'est vrai. C'est... Non, quel genre de musique ? Quel genre de musique ? Des musiques aux accents... Latine, ouais, je suis très le fado. Mais même espagnol, fado. Au fait, j'aime bien les chansons du monde. Au fait, j'aime quand parfois je rencontre des étrangers, enfin des gens de notre nationalité, et ils me font écouter leur musique. Il y a toujours une musique que j'aime bien. J'avais appris plein de chansons comme ça, iraniennes, serbes, parce que j'adore la musique de tous les pays. Au fait. On parle donc de Terre Indigo et de cette période de 96 où vous avez vécu 7 mois à Cuba et baigné dans cette musique cubaine. Le succès, y compris encore quand aujourd'hui on reste fan de cette saga, il n'a pas été trop important pour la suite de votre carrière finalement d'avoir autant de succès avec Terre Indigo? Ça n'a pas été nuisible pour le cinéma par exemple? Ah, peut-être que, au fait, ce qui, après, c'est toujours pareil. Hein, je sais même plus quoi répondre, en fait, à ce genre de questions, parce que non. Il y a un producteur de cinéma un jour qui m'a dit, en parlant de cette différence entre télévision et cinéma, qui m'a dit: pourquoi veux-tu que les gens payent pour voir quelqu'un quand ils l'ont gratuitement? Ouais. Sous-entendu, c'est gratuit c'est à en télé. En France, c'est comme oui, ça. C'est... Mais je pense que ce qui me manque surtout, c'est un bon film avec un bon rôle au cinéma, parce qu'il suffit d'un pour que les choses basculent. Donc, et du succès, enfin dans un succès aussi. Mais moi je pense pas comme ça. Moi quand je me suis vraiment et sans aucune, j'adorerais faire du cinéma. J'ai rêvé d'en faire et mais quand je me suis inscrite au cours de théâtre, j'ai commencé à 12 ans, hein, le théâtre. C'était pas pour me dire je veux être la nouvelle Adjani ou la nouvelle. C'était mon époque, c'était Adjani. Je rêvais de faire du théâtre, la scène. C'est vrai que ça me fait énormément plaisir et ça me manque quand j'en fais pas. Maintenant, évidemment, comme toute actrice, on a envie de faire des rôles aussi, et des beaux films. Mais le problème, c'est je que, suis pas malheureuse. C'est que, deux, fait. Ans, c'est que deux ans après, ou un an et demi après Terre Indigo, vous avez fait un film. Et que malheureusement, c'était avec moi et que c'était un mauvais film. C'était quoi ? Mais ça, c'était un mauvais film. Je veux le DVD. Mais on y était pour rien. Mais non, c'est pas grave. Il n'y a pas de DVD ? C'est en cassette. La grande vadrouille. Tout a été brûlé. Tout a été brûlé. Non. Ça s'appelait Une femme très, très, très amoureuse. Mais c'est un très bon souvenir humain. Moi, j'ai un très bon souvenir humain de Christiana qui a été rempli de gentillesse, d'aide. Et dans son regard, je voyais qu'elle souffrait pour moi. Pas du tout. C'est-à-dire que dès qu'on commençait une scène, elle regardait, elle dit, je suis avec toi. Alors que moi, j'ai mis. Je sens que vous exagérez. Non, non, pas du tout. Non, mais quand t'es mauvais, t'es mauvais. Tu sais, tu connais. T'es mauvais. Oh bah voilà. Tu la connais, non, mais la réplique. Nagui, ça va aussi pour toi. C'est-à-dire que t'aurais été dans un très bon film. Ça aurait peut-être changé nos vies tous les deux, c'est ça ? Non, mais tu dis t'es mauvais, mais peut-être que tu vois, tu aurais été peut-être meilleur aussi. Oui, il n'y a pas de mauvais acteurs et que des mauvais directeurs d'acteurs. Et quand on parle de propositions de cinéma... Mais là, ils sont fous. Ouais, non, c'est pas ça, j'essaie de... De sauver. Ouais. Et quand on parle de propositions cinéma, le fait d'avancer dans l'âge, est-ce que vous vous dites, potentiellement, il y a aussi donc d'autres rôles, parce qu'on parle toujours de cette période un petit peu sinistrée. Tu veux dire des rôles d'arrière-grand-mère ? Non, des rôles de femmes plus épanouies, plus âgées, tout simplement. Enfin, il n'y a pas d'insulte à parler d'âge, je crois. Ah non. Je pense que maintenant, de toute façon, si je dois faire un rôle au cinéma, ça sera obligatoirement un rôle d'une femme de mon âge. Et là, vous dites pas que ça relance la machine, ouais, voilà. Ouais, je trouve que ça serait la meilleure chose qui pourrait m'arriver au cinéma, c'est justement changeant d'emploi, changeons d'acteur. prenons des risques. En plus, il prendrait des risques énormes. En 2007, et là, vous allez nous faire découvrir ce que vous écoutiez. Alors, Alors expliquez-nous cette musique et cette période où vous étiez avec mise en scène par John Malkovich dans Good Canary. Alors c'était je jouais donc Good Canary et Ariel Wiesman jouait avec nous. Et il me faisait écouter, parce qu'il travaillait c'est aussi un DJ, le soir. C'est un DJ, il faisait... C'est pas Loli Manuel, ça ? Non, c'est Las Grecas. Ah, d'accord. Et c'est vrai qu'on a un goût assez commun avec Ariel pour des chansons comme ça, sud-américaines. Il a eu sa phase très latino. Mm-hmm. Et il m'a fait découvrir ce groupe, Las Grecas, deux sœurs andalouses, qui faisaient du flamenco rock, enfin... Ouais. Dans les années 80, complètement folle dingue, et le CD est juste génial. Et j'ai écouté pendant en boucle quoi tout ce CD. J'adore ce genre de musique. Et ça m'a rappelé la période Good Canary. Oui. Très bien. Nous avons demandé à Philippe Hoffmann. Merci Philippe de venir à notre Bonjour, micro. Philippe. il signe l'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents. Vous voyez la résonance évidemment avec Mans, cette pièce au théâtre du Petit Saint-Martin, jouée par Christiana Reali et Robin Kos. Ça sera à partir du 28 pardon, septembre prochain. Mais oui, on a évoqué un peu le côté Tanguy, en tout cas ce côté, cet amour fusionnel entre une maman et son fils. L'une des questions, alors vous signez l'impossible séparation entre jeunes adultes et parents. C'est de plus en plus le cas dans nos nouvelles générations. Ils restent de plus en plus longtemps. Les adolescents restent de plus en plus longtemps à la maison. Non, c'est pas une question qui reste de plus en plus longtemps à la maison. C'est que en fait, on ne se sépare plus. C'est terminé. C'est-à-dire qu'avant, comme dans la pièce, là, il y avait les mères méditerranéennes qui collaient un peu leurs mômes, la maman italienne, la mère juive, etc. Mais maintenant, tout le monde s'y met. On ne se sépare plus. Alors, il y a peut-être une raison à ça. C'est-à-dire que même quand ils sont partis, on garde toujours un lien. Et puis, on ne sait jamais. On garde des fois leur chambre s'ils reviennent 5, 6 ans après, même si on les a mariés en blanc. Enfin, est-ce que c'est une raison économique ? C'est une raison. Il y a une raison économique, mais à l'abondo, parfois, quand ils ont un boulot et qu'ils restent à la maison ou qu'ils reviennent à la maison pour faire des économies parce que c'est plus pratique et que c'est un peu un côté hôtelier. Et alors, il y a un agacement des parents, mais en même temps, on ne veut pas les lâcher. Donc, c'est une sorte d'interaction. Les enfants ne veulent pas lâcher leurs parents. Les parents ne veulent pas lâcher leurs enfants. C'est plutôt... Ça veut dire qu'on s'aime davantage et qu'on a des liens affectifs qui sont renforcés. Mais en même temps, pour les jeunes, parfois, pour les jeunes adultes, ça les empêche de déployer leurs ailes. Il y a aussi un problème de différence d'âge. En l'occurrence, dans cette pièce, il n'y a que 17 ans d'écart entre la maman et son fils. Ça ne va pas arranger non plus le fait de s'en aller. Oui. Alors, c'est normal, c'est un peu caricatural. 17 ans d'écart, c'est rien du tout. Hein, donc, on est presque dans une histoire de frères et sœurs. Et on voit bien que la mère, elle veut avoir des postures de mère, mais en même temps, c'est une adolescente éternelle. Et là, c'est complètement différent avec d'autres personnes qui ont vraiment une vraie différence d'âge. On peut toujours dire que voilà, maintenant, on a 30 ans de différence, et puis nous, on est les vieux cons, toi, t'es le jeune qui sait, etc. Mais en fait, ça ne change pas, parce que les liens que l'on garde parfois avec nos enfants quand ils deviennent adultes sont les mêmes que quand on avait des adolescents. C'est-à-dire, on s'engueule de la même manière, il y a les mêmes claquements de porte, il y a les mêmes tensions, et du coup, on ne vieillit pas, ni les uns, ni les autres. Et ça, c'est très heureux pour la mère qu'incarne Christiana Reali, c'est-à-dire avoir une prise au temps. Ouais, je suis pas sûr que ce soit heureux. Si. Pour elle, en tout cas pour le personnage. Non. Elle pense qu'elle ne peut pas se passer de lui. Elle est dépendante de lui, mais elle le rend donc dépendant d'elle. C'est sa seule façon de le garder avec elle. Après, et quand il rencontre quelqu'un, dans la pièce, il va rencontrer une femme à un moment donné, et ça va être, pour elle, ça va être terrible. Donc elle va, au départ, elle dit c'est formidable, mais et après, elle va trouver tous les défauts de la terre à cette personne. Mais c'est surtout dans ce cas-là, je pense que c'est aussi parce que elle est seule dans la vie aussi. Et je pense que j'ai lu pas mal de vos interviews et je suis ravie de vous rencontrer. Je vous le disais. Merci. Parce que ma génération, voulait, on était libre de se marier avec, par amour avec quelqu'un, vous en parliez justement, et donc on croyait à l'amour, on s'est dit je vais choisir, c'est plus mes parents ou comme avant, des mariages de, arrangés, je vais choisir mon fiancé, je vais me marier, je vais avoir... Et donc, ça marchait pas. Quand ça marche pas, c'est ça, hein, vous m'arrêtez si j'explique mal, on se retrouve seul et on élève son fils et on voudrait l'aimer, enfin je sais pas comment expliquer, on voudrait qu'il ait la même place ouais. que l'homme qu'on a aimé, et on voudrait même qu'il aime quelqu'un, mais en fait en même temps elle aime comme son, je sais ça, pas, c'est compliqué, c'est très oedipien, c'est-à-dire que tout n'est pas réglé en fait dans cette histoire, on ne règle jamais son Oedipe, hein, mais bon ça on est tous parlez pour vous Philippe, ça va comme ça, non plus. Vous avez besoin de parler Philippe, comment vous avez besoin de parler, vous avez besoin ouais, je vous confirme, tu peux pleurer si tu veux, alors je chiale un peu, on t'en voudra pas. Je vais me lâcher. Est-ce que là, c'est une période, les parents ex-baby-boomers, ex-enfants en tout cas du baby-boom, qui maintenant, est-ce que tout ça s'explique aussi historiquement, socialement, avec la crise, vous me dites ça à bon dos, mais enfin c'est quand même la réalité, tout le monde n'a pas immédiatement... Je dis que ça à bon dos, mais c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité. Il y avait récemment le film d'Éric Lavaine qui a eu un énorme succès aussi avec Sandra Lamy qui s'appelait Retour chez ma mère, où là c'est quelqu'un qui se retrouve au chômage et qui finalement n'a pas d'autre solution que de revenir habiter, et en plus elle est séparée, de revenir habiter chez sa mère, ça donne une comédie mais qui parle d'un drame de la vie. Est-ce que là on est dans une situation où ce sont ces enfants du baby-boom qui aujourd'hui reproduisent ces schémas un peu hippie, un peu baba-cool, on est un peu copains avec nos enfants, reste à la maison, toi tu vas m'aider à rester un peu jeune, je vais écouter ta musique, je vais regarder ce que tu aimes à la télé, et puis voilà, trop de... Je vais sortir en boîte avec toi. C'est ça, c'est ça. Et finalement, on finit par perdre l'identité de l'un et de l'autre. Mais est-ce que, par exemple, dans 25 ans, la nouvelle génération sera totalement différente parce que ne voudra pas reproduire ce schéma qui est peut-être très fréquent aujourd'hui ? Bon, alors, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans 25 ans. Hein, mais... faites un effort. Hein, vous êtes spécialiste. C'est vous, spécialiste. Non, mais spécialiste arrive, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Ça sert à quoi, ça ? Ouais. Allez, on fait un effort, Philippe, on se concentre. Bon, allez, on se concentre. Un café pour Philippe, s'il vous plaît, parce qu'il est au bout du rouleau. Non mais sans, ma question, sans vous demander de faire des prédictions, c'est est-ce que vous expliquez ce comportement par justement un phénomène plutôt historique, social? Oui, et bien sûr. Ce qu'expliquait Christina, c'est que... Christiana. Christiana. Oh. Attention, il faut bien prononcer. Hein. Oui, non, je... ce qu'elle expliquait, c'est qu'effectivement, on peut choisir aujourd'hui, et depuis 1967, l'invention de la pilule, il y a une émancipation des femmes. Scandale. Qui fait qu'on peut choisir. Et qu'elles disposent de leur corps. Voilà. Hein, on voit ce que ça donne. Hein. Et donc, y a beaucoup de choses qui ont évolué, et c'est tant mieux. Bon, évidemment, ça gêne un petit peu des sociétés un peu traditionnelles machistes, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on en est là. Il n'y a plus une famille, comme on l'entend, mais une nébuleuse familiale. Hein, y a toutes sortes de familles, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas à juger tel type de famille ou quoi. C'est sûr que tout change de façon assez radicale, mais le lien... que l'on a peut-être le plus intense, c'est avec nos enfants. Peut-être justement parce que tout éclate, parce que tout est incertain, parce que on ne saisit plus rien. Le boulot, c'est pas sûr. Les mecs, les femmes, ça peut se barrer. Il y a un moment où les parents doivent se dire, et dire même à l'enfant, maintenant tu te casse. Fais ta vie. Mais... je serai toujours là si tu as besoin de moi, évidemment, mais casse-toi. C'est pas une question de génération, de se dire on te met dehors comme je sais pas, nous, c'est ma question. Est-ce qu'on rend pas service à l'enfant ? On rend service, mais le problème, c'est qu'on va lui dire ça et 10 minutes après, on est en larmes dans la cuisine. Donc, oui, mais d'accord, mais on s'en fout. L'important, c'est le bien de l'enfant. Ah, on est d'accord. Bon, mais faire en sorte que, de toute façon, on ne peut pas couper le cordon à la hache. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, il faut y aller doucement. Et il faut permettre, effectivement, à ces enfants, qui deviennent après des adultes, de vivre une vie à eux. Et surtout, ce qu'il y a de plus important, de vivre une intimité à eux. De ne pas se mêler de leur intimité. Est-ce que ce sont les parents qui ne veulent pas laisser partir l'enfant, ou est-ce que c'est l'enfant qui n'a pas envie de partir ? Parce que dans le moment, on a l'impression qu'il se complaît aussi, lui. En fait, c'est justement ça le problème. C'est qu'on surprotège aujourd'hui nos enfants, et du coup, on les rend un peu dépendants. C'est-à-dire que ils vont se confier à leur mère sur leurs histoires. Ils vont demander, par exemple, je vois dans mes proches, l'enfant grand ado, hein, genre 19-20 ans, veut partir. Très grand ado. Oui. Veut partir, veut avoir son petit appart, veut machin, nanana. Alors, on va lui faire les courses, parce que quand même, avec l'argent, elle en a pas assez. Donc, faut bien les semaines, que le frigo soit plein, voilà, qu'il ait l'internet, frigo, et puis sa carte de transport, faut pas déconner. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un moment donné, ils veulent peut-être avoir une indépendance, mais en fait, la mère fait à manger, la mère fait les courses pour que, quand même, une fois par semaine, je remplis un peu le frigo, la pauvre, et tout machin. Et le linge. Et le linge. Ah oui, c'est donc, important. Donc, on coupe pas facilement comme ça. Et c'est vrai que. Et moi, je pense que c'est quand même la faute des parents. Moi, je me souviens très bien des miens. Mmh. Avec moi, le côté, je vais partir, très bien, casse-toi, mais maintenant, assume. Bah, c'est ça. On sera toujours là, mais assume. Et quand il y avait le côté, je revenais avec mon linge sale, de temps en temps, peut-être, il pouvait être fait par maman. Souvent, c'était, tu sais quoi, t'as qu'à le faire toi-même. Je suis pas, t'es pas à l'hôtel. Ça fait partie de la liberté. Non, mais, alors, non, mais voilà. Lavez ton linge. Exactement. Surtout que vous êtes un garçon très, très sale. Et tu peux pas savoir. Là, en ce moment, je suis en train de. Je sais. Mais c'est pour ça que je dis que c'est aux parents aussi de dire, allez, vas-y, et ça fera du bien sur le long terme, peut-être pas dans l'immédiat. Ça fait du mal, on pleure dans la cuisine, mais ça fait, c'est pour le bien de l'enfant. Oui, mais en même temps, bon. Moi, les miens, ils ont 5 et 6 ans, ils sont à la rue. Ils en ont pas. J'aurais dit, casse-toi, maman. S'il vous plaît. Oui, bon, ils travaillent déjà, moi. Bah, évidemment, ils travaillent déjà, ils font des ballons de foot. Dans la cave. Bon, ça s'appelle l'impossible séparation. Pardon, Christiana. Non, c'est. L'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents, c'est passionnant, c'est chez Albin Michel. Vous avez déjà un nouvel ouvrage qui arrive. Sur la psychologie des relations entre l'humain et son chien, et ça s'appelle « Le chien est une personne ». Voilà, un psy iconoclaste. Voilà. Non, mais j'ai hâte de le lire quand je vois. Ah, ça m'intéresse, moi. Ouais, parce que quand on a eu un chien, et quand on en a un d'ailleurs, et quand on pleure à sa disparition, et quand on cherche à l'éduquer, on a vraiment un rapport particulier avec son animal. Ça marchait aussi avec un chat, non? Ah oui. Oui, ça marche avec les chats. Avec les enfants. Non, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Ah, dites donc, non, je vais vous lire. C'est pas pareil, mais le lien, il est parfois encore plus intense. C'est curieux, hein? Avec les animaux qu'avec ses propres enfants animaux. Quand un chien arrive dans un couple, ça peut briser un couple. Oui. Et une chienne, surtout une chienne. Philippe Hoffmann, merci d'être venu, Philippe. On va demander à Daniel Morin, qui est notre monsieur, merci, je sais tout, évidemment. Oui, finalement, oui. Nous tous, en tant qu'hommes, oui. On reste des fifis à maman toute notre vie. Oh, oui. Oh, bah oui. Vache. Bah oui, c'est vrai. Oh Daniel. Putain, c'est dingue comme c'est bon. Quoi ? Est-ce que c'est bon tous les jours de me frotter à votre génie ? Mais quelle intelligence dilatée, monsieur Guy ! Une fois de plus, votre question est tout simplement formidable de justesse, bordel ça, de ça Dieu. Sera le mot du jour, dilaté. Oui. Le seul petit bémol que je porterai est, ce n'est pas la bonne question. Non, ce n'est pas la bonne question. Là, en l'occurrence, la bonne question est-ce que nous ne devrions pas tous, en tant qu'hommes, épouser nos mamans? La voilà la vraie question. Mais oui, il est grand temps d'arrêter tous ces tabous, tous ces blocages idiots qui barrent la route généreuse et épanouissante que représente la pratique de l'inceste. Naturellement, on est guidé, qu'on le veuille ou pas, vers l'inceste. Depuis qu'on est tout petit, nos mères sont là. Mais c'est qui la maman qui t'aime, toi? Hein, tu sais qu'elle t'aime, ta maman. Toi, tu l'aimes comment, ta maman chérie? Hein, tu l'aimes comment? Tu l'aimes très très fort. Bisous, cœur. Forcément, avec ce genre de phrase, on finit par développer des sentiments ambigu. Et puis, entre nous, je ne vois pas où est le mal. Tout le monde est là à dire « Ah, c'est dégueu, tu peux pas y aller ta mère physiquement, c'est pas possible. » Et pourquoi? Et pourquoi je vous le vois? Ah, moi, bien sûr que votre mère soit moche. Il n'y a pas de raison de stopper ces élans libidineux. Chez les dieux de la mythologie, croyez-moi, on ne faisait pas autant de chichi. Combien d'entre eux étaient pères de leurs frères, frères de leurs cousins, tout étant grand-père de leurs sœurs, hein? Un bon paquet. Et croyez-moi, l'ambiance était au rendez-vous à l'occasion des dîners de famille. N'est-ce pas une phrase merveilleuse à dire à son enfant turbulent? Arrête de frapper ton frère, tu fais mal à papa. Ça sonne tellement doux. Quelle horreur. Et puis, de tout temps, on le sait, ça arrive dans chaque famille. La mère déteste toujours la belle-fille, toujours. Christiana en a parlé il y a quelques minutes. Et là, le problème est résolu. Quand la meuf de ton fils, c'est toi, tu es souvent beaucoup plus indulgente. Là, c'est dommage, on n'a pas le temps. J'aurais adoré vous parler de la relation intime et délicate qu'un fils peut aussi avoir avec sa mère après le décès de cette dernière. Oh, on n'a On n'a pas le temps. C'est dommage parce que c'était passionnant, je vous assure. Non. Philippe fait oui de la tête, mais je le comprends. Non, il a très envie que j'en parle. Enfin bon, quoi qu'il en soit, bref, une fois de plus, je fais ce triste constat, monsieur Guy. Une fois encore, vous avez dit N'importe quoi. Merci Daniel Morin, Christiana Reali, notre invité. Et on se retrouve après un peu de musique. Les samedis matins sur France Inter. Ok. À partir de 10h. Allez. On aura tout vu, le magazine de cinéma de France Inter. Christine Masson. C'est l'histoire d'un Corse qui débarque à Londres en 77 en pleine punkitude, rencontre Sting et Stewart Copeland. De 77 à 2016, l'itinéraire d'un musicien gâté. Laurent Delmas. Invité Henri Padovani, héros de Rock'n'Roll of Corse. En tout cas, moi, que je sois français, corse, italien, grec ou anglais, c'était pas ça le truc, c'était que j'étais un guitariste. Ces deux réalisateurs et le journaliste Olivier Cachin. On aura tout vu le samedi matin sur France Inter à partir de 10h. À samedi. Pour 139 euros par mois, ne dites plus jamais. Ça passe pas. Smart4Two, garez-vous enfin là où vous allez. Smart4Two 45 kW pur à partir de 139 euros par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart, quand j'étais jeune, je n'ai pas distribué de repas aux sans-abri l'hiver. Je n'ai pas milité pour préserver l'environnement. Je n'ai pas non plus fait un marathon pour les enfants malades. Je n'ai pas donné de montant pour les personnes âgées. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de soutenir toutes ces causes. Je fais un leg à la Fondation de France. En faisant un leg à la Fondation de France, vous faites vivre vos engagements en ayant l'assurance que vos volontés seront durablement respectées. Renseignez-vous sur fondationdefrance.org. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. Et bah, si tu ouvres pas le micro, je vais avoir du mal à parler. Il est encore midi sur Inter. Les informations, Laetitia Gaillé. Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, l'assure ce matin, le projet de construction de deux réacteurs EPR à Hinkley Point marque la relance du nucléaire en Europe. Le gouvernement britannique a donné son feu vert hier soir via un coup de fil de Theresa May, la première ministre, à François Hollande, le chef de l'État qui salue lui aussi aujourd'hui une belle coopération, une belle reconnaissance. C'est donc EDF qui aura la charge du chantier avec son partenaire chinois CGN. Cette décision démontre aussi, selon Jean-Bernard Lévy, la confiance dans le savoir-faire de la filière nucléaire française. Mais Londres a été aussi très clair, il faut améliorer la sécurité du projet et EDF doit rester majoritaire pendant toute la phase de construction des réacteurs. 15 000 emplois vont être créés sur ce site pendant la construction. Une nouvelle journée d'action contre le travail, aujourd'hui 14e du nom, en attendant la manifestation parisienne cet après-midi. Il y a déjà eu des rassemblements ce matin en région. Illustration à Marseille, mobilisation faible, environ un millier de personnes, avec un gros contingent de militants CGT suivi par la FSU, FO faisant cortège à part comme d'habitude à Marseille. Isabelle Dor a recueilli le témoignage de quelques manifestants toujours aussi mobilisés. L'important, c'est de montrer que si la loi est appliquée, le gouvernement et les patrons nous trouveront en face d'eux. C'est montrer qu'on est mobilisés. Si on ne manifestait pas aujourd'hui, loi ou pas loi, ils se sentiraient plus les mains libres. Cette loi, elle était mauvaise avant d'être promulguée, elle continue à l'être après. Pour nous, le combat, la lutte, elle n'est pas finie. La loi est promulguée, mais on peut, les décrets ne sont pas apparus. Je vous rappelle qu'en 2006, lors du CPE, la loi a été promulguée, elle n'a jamais été appliquée. Donc pour nous, l'objectif, c'est que cette loi ne soit pas appliquée, que les décrets d'application qui concernent certains articles de la loi n'apparaissent pas. Nous, on va continuer. On nous parle de liberté d'expression. Donc déjà, c'est un moyen de s'exprimer face à notre mécontentement par rapport à la loi El Khomri. Même si c'est promulgué, ils peuvent se rétracter. Et ils doivent se rétracter. Pour moi, ce n'est pas fini, sinon on ne serait pas là ce jour. Et 110 rassemblements environ sont prévus encore en région. Celui à Belfort a réuni ce matin des centaines de personnes qui ont défendu le site d'Alstom menacé de fermeture. Le défilé parisien partira à 14h de la Bastille pour rejoindre la République. 1200 policiers ont été mobilisés pour éviter des incidents comme ce fut le cas au printemps. Cette manifestation sera sans doute la dernière sous cette forme. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière, assure que les syndicats travaillent de concert à des recours en justice à travers notamment des questions prioritaires de constitutionnalité. De son côté, le gouvernement veut aller vite en publiant la plupart des décrets d'ici le mois prochain, notamment sur le temps de travail ou encore les référendums en entreprise. La France investit moins dans l'école primaire que la moyenne des pays développés et elle accorde plus d'argent au secondaire. Conclusion du rapport annuel sur l'éducation de l'OCDE. Pour son étude, l'Organisation de coopération et de développement économique a passé au crible une trentaine d'indicateurs dans 35 pays, donc comme le temps d'instruction, le salaire des profs, la taille des classes, etc. Lors de la conférence de presse de rentrée, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a défendu un rééquilibrage des dépenses en faveur du premier degré. La France se distingue aussi par un corps enseignant plutôt jeune. 26% des professeurs des écoles ont moins de 50 ans. Mais les enseignants du primaire touchent aussi, prime comprise, un salaire inférieur de 12% à la moyenne de l'OCDE. Rendez-vous cet après-midi, 15h, au tribunal correctionnel de Bastia. Le procès sur la rixe de Cisco, mi-août, va se tenir là-bas. Finalement, la demande de dépaysement a été rejetée ce matin par le procureur général. 5 personnes vont donc comparaître, 3 frères d'une même famille et 2 villageois de Cisco. Tous ont participé à la bagarre et Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse, sera sur place. Moi, je serai présent sur place d'abord parce que je souhaite que la justice puisse être rendue et qu'elle puisse être rendue dans des conditions de sérénité et d'impartialité totale. Et puis, je serai aussi sur place, comme je l'ai été depuis le début de cette affaire et comme j'ai été présent dans d'autres types d'affaires. Chaque fois qu'il y a un risque, chaque fois qu'il y a des risques de tension, d'affrontement, je considère qu'il est de ma responsabilité de président du conseil exécutif d'être présent. En ce qui me concerne, donc, je reconnais le droit de demander le dépaysement, mais conformément à ce qui a toujours été ma position, je pense que les affaires sont bien jugées par leur juge naturel. En l'espèce, l'affaire s'est passée à Cisco. Je pense qu'il est normal qu'elle soit jugée à Bastia. Des propos recueillis par Fabienne Sintès. Qu'on se le dise, France Inter, deuxième radio de France. Elle a été l'une des plus écoutées cet été. 10,3% d'audience cumulée, soit une hausse de 0,4 points par rapport à la même période l'an dernier. Plus de 5,5 millions d'auditeurs et première radio aussi le week-end. Un grand merci à vous. Un mot du journal de 13h. Tout à l'heure, Bruno Duvic recevra Pascal Vion, présidente du Haut Conseil à l'égalité homme-femme. Malgré les discours et les engagements, l'égalité femme-homme n'est pas une priorité pour l'État. 6 organisations, dont la Fondation des Femmes, livrent un document aujourd'hui qui va dans ce sens. En France, en 2016, l'égalité femmes-hommes reste une thématique sous-financée, disent-elles, et Paris connaît un retard par rapport notamment à ses homologues espagnoles et canadiennes. On en reparlera tout à l'heure dans le journal de 13h, mais pour l'instant sur France Inter, il est encore 12h05. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Tous les jours, retour sur l'un des grands événements qui ont marqué ces 50 dernières années. Le cas est unique. Il n'y a pas de précédent dans les annales de la victimologie. On a affaire à un véritable phénomène, d'où, en partie, le pouvoir de fascination qu'elle exerce. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, 2 mars 1998 au 23 août 2006, le calvaire de Natacha Campouche, cette jeune fille séquestrée pendant 8 ans et 5 mois par un homme devenu son tortionnaire. Affaires sensibles. Quand l'histoire éclaire l'actualité, c'est sur France Inter, tous les jours, du lundi au vendredi de 15h à 16h. France Inter, on aime, on aime, on vous en parle. La Comédie Française vient à vous, en direct au cinéma. 3 soirées exceptionnelles, à vivre comme si vous y étiez. Roméo et Juliette, Le Misanthrope, Cyrano de Bergerac, retransmis en direct depuis la Maison de Molière dans plus de 300 cinémas partout en France. Soyez au rendez-vous dès l'ouverture de la saison, jeudi 13 octobre, 20h30, avec Roméo et Juliette, mis en scène par Eric Ruff. La Comédie Française, en direct au cinéma, à retrouver aussi dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Il est tellement grandiose que je ne dirais mot. La bande originale, oh, Nagui, deuxième partie. Elle ne parlait pas de moi. J'ai essayé de faire une gentillesse et puis voilà. C'est pour ça que j'y crois pas. Je crois pas du tout. En fait, j'aime bien Leïla. Voilà. J'aime bien Daniel Zou. Ça, on savait. Le prochain De Week Info, c'est Bruno Duvic et ça sera à 13h. Et puis sinon, Leïla reviendra toute l'après-midi pour nous informer à tout à l'heure. Laetitia Gaillé, pardon. Non, moi, je ne serai pas là. Laetitia Gaillé. Vous faites votre cuisine. À tout à l'heure, Laetitia. C'est la bande originale avec Leïla Kadamounadi, Alison Wheeler, Daniel Morin, Albert Algou, Richard Lorna qui est au clavier et notre invité Christiana Reali. Elle interprétera, puisque ça sera le 28, la première, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Mans, aux côtés de Robin Cosse, une pièce de Fabrice Melchiot. C'est une comédie, mais avec un petit goût, tragique, mais enfin... Oui. Cruel. Il y a un petit goût, voilà, c'est ça. Aigre-doux. Il y a un petit goût. Aigre-doux. C'est bien cette version-là, aigre-doux. Mais à la base, c'est fait pour faire sourire, rire et faire réfléchir également au théâtre du Petit Saint-Martin. Vous répétez déjà dans le théâtre ? Oui, alors on est au théâtre et d'ailleurs, si vous connaissez bien le théâtre du Petit Saint-Martin, qui est un théâtre juste magique. Ouais, c'est une petite beau. Salle de. Ce n'est pas un énorme, non, mais une énorme mais jauge. Une dizaine de places, oui. Non, mais. Enfin, en tout cas, un petit peu plus quand même. Non, mais c'est surtout que la programmation, grâce à Jean-Robert Charrier de ce théâtre, est juste géniale. Ils ont dans la grande salle, donc le Grand Saint-Martin... Les femmes savantes. Ouais. Et j'ai rencontré donc Jean-Robert Charrier pour cette pièce. Moi, c'est moi qui l'ai trouvé, la pièce. Enfin, avec c'est vous qui avez porté le projet. Oui, c'est moi qui ai porté le projet. D'accord. Et c'est vrai que... je suis tombée folle amoureuse de lui parce qu'il adore les textes, il adore les acteurs, il est très cash, on perd pas de temps avec lui, c'est oui, non, j'avais pas de metteur en scène, j'avais même pensé au cas où est-ce que je la mets en scène, est-ce que je la joue, et il m'a dit écoute, joue là, mais laisse-toi te faire mettre en scène, et il connaissait Charles Templon, qui est un tout jeune metteur en scène. D'accord. de 28 ans, très bon, qui a des milliards d'idées, qui est moderne, qui est jeune, et ça fait comment dire, ça change, je trouve, dans le théâtre privé, d'avoir bien, ouais. des gens qui prennent des risques comme ça. Il y a trois programmations, il y a Brasseur, il y a qui joue aussi en alternance, il y a Camille Chamou, ouais. Enfin... Je suis tombée folle amoureuse de ce théâtre parce que je trouve que il y a une programmation et un goût pour le théâtre comme ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé. C'est vous, Christiana, qui avez choisi votre fils dans la pièce ? Oui. Alors en fait, il avait joué avec moi dans La Rose Tatouée, Robin Cosse, et on s'était dit on voulait écrire une pièce parce qu'il a un univers très très drôle et il est très particulier et c'est un très bon acteur qui a 27 ans, je crois. Et je me suis dit tiens, on va écrire un truc sur une mère et son fils, un peu disjoncté et tout ça. Et en fait, je suis tombée en parlant à une amie. Une grande amie qui lisait du Melchiot, elle me dit écoute, je suis en train de lire une pièce, lis-la, ça parle un peu de ce rapport. C'est un peu l'idée que tu avais, c'est ça. Oui. Et quand j'ai lu, je dis attends, on va pas l'écrire, elle est là, la pièce. Ouais. Et donc voilà. En tout cas, elle est très bien écrite. Hein. Albert, on en parlait aussi ensemble avant l'émission. Oui. De ce texte, non ? Ah oui, ça. Eh ben, tu veux pas répéter ? Je le disais à Christiana. Eh ben, tout à l'heure. Mais le micro n'était pas ouvert, mais alors maintenant qu'il est ouvert, profite-en. Ça m'arrive sans arrêt, ça. oui, c'est la construction est d'autant plus excellente que ça joue sur la chronologie, mais très subtilement. C'est pas un enchaînement de scène après scène. À chaque fois, c'est différent. À chaque fois, il y a des surprises. Et les liens de, comment dire, pas des actes, mais des périodes. Des conversations. Entre elles, des conversations. Ouais, les cinq. Sont à chaque fois surprenantes. C'est vrai qu'il a ça, c'est formidable. Mais c'est une dilatation harmonieuse. Ouais. Un temps dilaté. Et temporel en même temps. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est chronologique. Ouais. Cette temporalité dilatée, vous pourrez l'applaudir. À partir du 28 septembre au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Du Petit Saint-Martin. Du Petit Saint-Martin. Oui, mais une fois que tu es là-bas, tu reverras la fiche. Ça s'appelle C'est la salle où il y a 10 places. Et c'est Christiana Reali. Voici l'humeur de Daniel Morin. Oui, Daniel. Oui. Oh, quelle joie à chaque fois renouvelée que de vous retrouver, très chère Christiana. Vous, femme à l'esprit vif, au physique de rêve, au charme dilaté. Vous qui avez pris le côté mutin de la parisienne tout en conservant le feu brésilien qui nous carbonise le cœur chaque fois qu'on croise votre regard hypnotico-érotico-pyromane. C'est vrai. Brésil, terre de rêve que nous ne connaissons pas bien, sauf peut-être un d'entre nous autour de cette table. Maréchal Ganache, bonjour, vous allez bien ? Affirmatif. Dites donc, on vous fait beaucoup travailler aujourd'hui. Hein. C'est un reproche ? Ah ben non, pas du tout. C'est. Je l'ai bien senti dans votre façon de me dire « on vous fait beaucoup travailler ». Avec ce petit ton de faux cul, de froderge qui est le vôtre. Ah, j'ai senti que vous vouliez me faire sentir que j'essayais de m'imposer. Enfin, arrêtez, c'est juste... Silence ! Je rappelle que j'ai signé un contrat en CDI. Un contrat qui m'autorise à venir tous les jours, si je veux. Ah ben non, quand même, pas tous les Ta jours. Ta gueule ! Ferme-la, bleu bête troufion. J'ai signé un CDI et j'en suis fier. J'ai signé un CDI dans le bureau du président de Radio, Radio de France, Mathieu Galette. Galet. C'est mais Galet, oui. Galet. On dit Galet. Mathieu Galet, pas Galette. En français, bordel de Dieu, on prononce toutes les lettres. Il s'appelle Mathieu Galette. Un point, c'est tout. Poursuivez. Merci. Mathieu m'a dit, Maréchal, vous êtes ici chez vous. Sentez-vous libre de venir et d'intervenir à votre guise, quand bon vous semble. Votre présence et votre parole sont une plus-value qui honore la radio publique française. Non. Si, il a même rajouté, pour ce qui est du pognon, pas de chichi. Vous le servez dans le coffre quand vous en avez besoin. Pareil, pour vos envies d'homme, mes secrétaires sont à votre disposition. La larme à l'œil, j'ai signé mon CDI avec mon sang. Oui, bon, ok, mais est-ce mais que... Mais il n'y a pas de mais. Il n'y a plus de mais, Morin. Si j'ai passé un contrat avec Galette, c'est pas un deuxième classe comme vous qui allez me dire quand je vais venir travailler. Oui, moi ça va, mais Nagui... Suffit avec Nagui. Si vous croyez que je vais me laisser impressionner par ce joueur de mandoline, comme le dirait mon camarade Jean-Marie, vous mettez la baïonnette dans l'œil, Morin. Bon, parfait. Alors pour en revenir à notre invité, Maréchal, est-ce que vous connaissez le Brésil? Affirmatif. Ah, ça vous plaît? Négatif. Pourquoi? C'est une terre de Rastaquer, une terre de sauvage. Comme toutes ces colonies du tiers-monde, je déteste le Brésil. Vous y avez été à quelle occasion? C'était en 1959, quelques années après mon retour d'Indochine, parce que j'ai fait l'Indo, M. Morin. Oui. Autant qu'un... On appelle ton. Oui, il a raison. Eh bien, j'avais été envoyé sur place en mission secrète, dans la forêt amazonienne, pour observer les populations autochtones et vérifier qu'elles n'étaient pas touchées par cette saloperie de gangrène qu'on appelle aussi le communisme. Ça s'est bien passé? Négatif. Au bout de 7 minutes, dans la brousse, j'ai été fait prisonnier. J'avais été dénoncé par un grand singe collabo et enfermé illico dans une saloperie de cage en bambou. Cage en bambou? Ouvrez. Oui, on la connaît, la chanson. Ça suffit, allez-y, poursuivez. Et puis, le drame est arrivé. Le chef de tribu, le général Roberto Tudubem, est venu. Ne riez pas, il est un sale type. Il est venu me chercher pour me cuisiner et me donner en pâture à sa famille. Il avait décidé de faire des grillades. Il a pris un silex aiguisé et sans anesthésie, il m'a coupé sans anesthésie. C'est dur à prononcer parce que j'ai le souvenir qui me remonte. Sans anesthésie, il m'a coupé 2 tranches de cul. 2 tranches de cul, mort, hein, j'avais plus de fesses. Mais le derrière en sang, j'ai réussi à échapper en rampant à mes tortionnaires qui s'étaient assoupis. À bout de force dans la jungle, j'ai fini par m'évanouir. Le hasard a fait que j'ai été recueilli par un orang-outan, qui heureusement pour moi avait son diplôme de médecin de brousse. Il m'a soigné, puis pour sauver les apparences, m'a greffé à la hâte 2 fesses de fortune soigneusement taillées dans des noix de coco. Au bout de 20 jours de marche, j'ai pu regagner la ville. Ah, bah tout est bien qui finit bien. Négatif. Comment ça négatif? Vous avez été sauvé? Oui, j'ai envie de chialer quand je pense. Sauf que la noix de coco, quand ça fermente, ça sent fort. Très fort. Ne riez pas! Respectez ma différence. Du coup, les jours de grosse chaleur, je me faisais courser par tous les alcooliques de la ville qui voulaient m'arracher mon froc. Pourquoi? Parce qu'à cause de la noix de coco fermentée, j'avais le cul qui sentait le Malibu. Je comprends l'angoisse. Alors, s'il vous plaît, qu'on ne parle plus du Brésil. Jamais. Promis. Merci, Maréchal. À demain. Merci. Daniel Morin-Bergoul. Sur France Inter. Ça sera à partir donc du 28 septembre et ce jusqu'au 29 octobre au théâtre du Petit Saint-Martin. Mans, la pièce de Fabrice Melchiot, interprétée par Christiana Reali et Robin Kos. Vous êtes également dans la série K1. Oui. Vous faites une apparition, ça passera de l'année prochaine sur France 2. Vous savez déjà de quoi votre année d'ailleurs 2017 sera faite? Alors, normalement, donc je joue cette pièce, si tout va bien, jusqu'à fin décembre. Ah pardon, oui. Moi on m'avait dit jusqu'à en octobre. Non. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite... Apparemment, Christiana n'était pas au courant. Oui, j'étais pas au courant. Alors. Je vous souhaite le succès promis et donc jusqu'en décembre, très bien. Voilà, et puis et après, normalement je vais jouer au Brésil. J'ai un projet d'un seul en scène au Brésil. D'un seul en scène au Brésil pour le mois de mars-avril. Enfin, c'est en train de se programmer là. Mais voilà. Vous l'avez écrit? Non, c'est un texte que j'ai reçu. C'est un metteur en scène brésilien qui est venu me voir dans 2-3 pièces dernièrement. D'accord. Que j'ai joué et qui me l'a proposé. On a trouvé ce créneau. C'est un seul en scène qu'on répéterait à Paris pour pas que je parte. Et vous n'avez rien perdu de votre portugais? De temps en temps, j'ai un peu d'accent. Si, un peu. En fait, très vite, quand je répète beaucoup, en français. La musique revient. Ah, mais je, tous les dimanches, je suis chez ma mère, je parle portugais, enfin, avec ma mère et je avec mon. Avec mon, voilà. Moi, avec moi. Donc, non, je peux jouer en portugais. Oui, c'est la première fois que je vais le faire, mais je peux le jouer. Super. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadrouboudadi pour Christiana Reali. Christiana, je vous sors de la promo un petit bol d'air, c'est notre bouillon de culture. Oh, Leïla, Alison. Bol d'air dilaté. Histoire d'apprendre un peu à mieux vous connaître. Et on commence avec un son qui a fait justement polémique au Brésil. Mãe, mas como é que a senhora está lidando com essa situação? Tô puta, né? Boa tarde, como vai? Tudo bem, senhor? Tudo bem. Meu apartamento não está à venda, eu não vou vender, tá certo? C'est un extrait de la bande-annonce d'Aquarius. Un film du réalisateur Kleber Mendoza Filho, film qui a été très remarqué à Cannes, mais qui est interdit au Brésil au moins de 18 ans en raison... Alors, les raisons officielles sont scènes de sexe explicite et de présence de drogue. Alors, ce film raconte le combat de Clara face à des promoteurs immobiliers qui la harcèlent pour qu'elle quitte son appartement de famille. Alors, moi, je n'ai pas vu le film, mais évidemment, j'ai su cette histoire, mais... Comme ils avaient affiché à Cannes pendant la montée des marches, et c'était un moment où le Brésil votait la destitution de Dilma Rousseff. Voilà, ils avaient affiché justement que c'était antidémocratique, et donc ils avaient fait des pancartes. On a l'impression que c'est à cause de ça que ça a été interdit. Comme une mesure de rétorsion, en fait. Oui, parce que c'est quand même au Brésil des scènes de sexe, il y en a dans plein de choses, dans plein de films, et puis dans la rue, et puis même tous les films qui passent, qui ne sont pas interdits au moins 18 ans. Ouais. C'est difficile d'interdire au moins 18 ans aujourd'hui. La drogue, alors je n'ai pas vu, donc je pense que dans le film, on aperçoit de loin un sexe en érection, une scène de sexe pas vraiment explicite, avec un gigolo, avec un sein absent, amputé par un cancer. Mais en effet, vraisemblablement, c'est le fait qu'ils aient brandi des pancartes à Cannes dénonçant le coup d'État qui a susciter la destitution de Dilma Rousseff, qui serait une forme de mesure de rétorsion. Est-ce que vous suivez le cinéma brésilien? Oui, alors malheureusement, parfois, je suis en retard. Il y a un festival de films brésiliens tous les ans à Paris. C'est souvent quand je joue et je peux rarement y aller, mais oui, je suis, oui. Et quel regard vous portez sur la société brésilienne? J'imagine que vous devez suivre les infos avec particulièrement attention. Attends, elle doit y aller bientôt. Non. Moi, j'étais très touchée par cette histoire de destitution, parce que qu'on aime, qu'on n'aime pas Dilma, ça n'a rien à voir. J'ai trouvé que c'est la première fois où j'ai vu les Brésiliens aussi partagés, aussi sauvages entre eux, en fait. C'est plus ça qui m'a choquée que, après... au Brésil, ils ont découvert la manifestation, les réseaux sociaux, tout ça. Donc, c'est comme le foot, quoi. Ça devient, c'est-à-dire qu'ils s'acharnent sur les politiques, sur les conditions. Donc, les deux camps se disputent, mais sauvagement. Mmh. Et à un moment donné, je dis, ils oublient, au fait, la démocratie qu'elle a été votée, qu'ils ont voté pour elle, et que ils ont cherché vraiment quelque chose pour la destituer. Que le gouvernement soit pas clean, ça c'est sûr, mais ils n'ont rien trouvé vraiment sur elle. Donc, ils ont mis à la place son vice-président, puisqu'on a destitué, qui a des casseroles, et qu'ils savent qu'il elle ne s'est jamais enrichie personnellement. On ne sait pas, on ne croit pas, en tout cas ils n'ont rien trouvé. On a rien. Ils ont juste tangé l'excuse qu'elle avait maquillé les comptes publics, je crois, pour faire au moment de sa campagne, enfin pour se faire élire et tout ça. Mais son vice-président... Ça n'arriverait jamais en France. Non, heureusement, on est tranquille. Tout parallèle le relèverait exclusivement de la fiction. On poursuit avec un autre son, Christiana, pour vous. C'est Récré à deux. Ouais. C'est un générique d'une émission télévisée. Oui. Rendez-vous en terre inconnue, Christiana, et c'est un rendez-vous que vous avez eu cet été en Australie. Vous avez pris l'avion en juillet, fin juillet, direction le nord-ouest de l'Australie, le long des côtes du Kimberley, avec Frédéric Lopez qui présente cette émission. Et vous avez été accueilli par qui? Par une famille d'aborigènes, les Worora. Et ça a été juste extraordinaire. C'est surtout une famille de voyelles. Ou Aurora. Oui, alors... Il y a des R partout. C'est vrai que... sans rien dévoiler vraiment, parce que je sais pas, parce qu'on a filmé 110 heures, donc en fait le film, il paraît qu'ils vont les passer en intégralité. C'est l'information que vous avez reçue. Moi j'aimerais bien. Proche de rattraper les audiences de l'après-midi, 110 heures de programme. Vous avez adopté leur mode de vie, vous avez suivi un peu leur culture, leurs croyances. Oui, au fait, c'est un peu original comme terre inconnue celui-là, parce que les aborigènes sont donc modernisés. Mais ce qui a été. On est rentré un peu dans leur histoire et dans leur passé, où ils nous ont beaucoup raconté, raconté l'histoire de leur famille, et surtout, en fait, ils veulent revenir un peu sur leur terre. Mm-hmm. Et c'est ce voyage-là qu'on fait avec eux. Donc, on s'est retrouvés en bateau, dans le bush australien, sur des plages désertes, avec des crocodiles, des requins, enfin, une nature sublime, avec un passé dramatique au fait. Et donc voilà, donc c'était pour moi, c'était franchement un très très grand voyage. On a hâte de voir. On a hâte de voir. Et pour finir, mon conseil culture, je ne sais pas si vous avez un peu de temps à vous octroyer pour aller au cinéma, par exemple. Je vous recommande un documentaire Relève, histoire d'une création. Un documentaire en immersion à l'Opéra de Paris, qui est en salle, qui a été réalisé par Thierry Demézières et Albin Turlet. Oui. Il est question de Benjamin Millepied à l'époque où il était encore à la tête de l'institution publique. Et on le voit monter une création et on voit les jeunes pousses de l'Opéra de Paris qui vont devenir les étoiles de demain. C'est très beau, c'est gracieux. Ah oui, ça donne envie en tout cas. C'est un peu politique aussi, parce qu'il est question de tenter de réformer une maison un peu ancienne, de voir dans quelle mesure. C'est passé sur Canal déjà. Ouais. Ça a été diffusé sur Canal et ça a eu un tel retentissement qu'ils se sont dit que ce documentaire méritait. Ça sort au cinéma après passer. Ça vaut le coup. Je crois que j'ai vu un bout sur Canal. Ouais. Voilà. Et ce documentaire méritait une exposition. La lourdeur administrative par rapport à un mec qui a des idées et qui voudrait que ça aille un peu plus vite. Alors, ça, c'est une vision. Alors, il y a d'autres visions aussi. Ça n'arriverait pas en France. C'est se dire qu'on peut avoir envie de révolutionner un système, mais que la révolution prend du temps et que voilà, les envies et les idées sont peut-être là, mais il y a aussi un rythme à respecter. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, la relève, histoire d'une création, Thierry Demézières et Albin Turlet. Merci Leïla Kaddour Boudadi. Mans, c'est la pièce de théâtre que vient nous présenter Christiana Reali au théâtre du Petit Saint-Martin, aux côtés de Robin Kos. Cette pièce signée Fabrice Melchior. On a lu la pièce, puisqu'elle ne se jouera qu'à partir du 28. On y a vu beaucoup d'humour, on a vu beaucoup de sentiments, beaucoup de questionnements aussi. Tout ça, on n'a qu'une hâte maintenant, c'est de le voir en 3D sur cette scène à partir du 28 septembre. Une cascade de questions pour Christiana Reali, des questions courtes avec des réponses courtes. On commence avec Alison. Est-ce que vous accepteriez un rôle dans une telenovela? Alors, on m'a proposé à un moment donné. C'est vrai? Oui, je sais pas. C'est une technique, hein. Oui. En dehors du résultat. Qu'est-ce qui est différent? C'est-à-dire qu'ils ont un texte vraiment comme ça, sur le coup, dernier moment. Au dernier moment. C'est facile à jouer, c'est mal écrit. Alors, moi je suis très télénovélienne. C'est-à-dire je suis compatible. Sur Internet, je suis ma petite série brésilienne, je suis inscrite à la Globo .com et parce que... Les gens vont regarder Les Feux de l'amour, Plus belle non, la vie. Ça n'a rien à voir. Ah pardon, excusez-moi, apparemment, je croyais. Faut pas comparer. Ouais. C'est incomparable. Si vous prenez la novella brésilienne de 21h, elle est hyper glamour et les nanas, elles sont super sapées. Et c'est pas ringard du tout. D'accord. Ce qui est ringard, c'est le format pour nous qui nous semble ringard. Et évidemment, l'histoire de famille et qui n'en finit jamais, les histoires dans le travail, de business. Mais socialement, enfin, dans la société brésilienne, elle lance des modes, il y a des choses incroyables qui se mettent dedans, c'est-à-dire de... Christiana, on avait dit réponse courte. Hein. C'est rare chez moi une réponse courte. Daniel Morin. Hein. Un film brésilien à nous recommander. Alors comment ça s'appelle c'est celui qui est passé, que c'est sur une femme de comment il s'appelle ce nom, le film décrivez c'est une femme de ménage dans une maison de bourgeois qui élève sa fille et qui est la femme de ménage de cette famille et qui a un rapport avec le fils de la famille c'est la mère au fait, elle s'occupe plus que si ça s'était passé Fast and Furious. On va retrouver. Leïla, je ne vais pas vous piéger. Lors de votre dernière venue, Christiana, vous nous avez dit que vous étiez en attente de naturalisation française. Oui, alors. Ça en est où? Alors, je suis en train de faire mes papiers. Alors, le problème, c'est on veut les voir maintenant, sinon vous restez pas ici. Oui, c'est ça. J'ai envie de voter. Je vote pas ici, malheureusement, ça fait 40 ans. J'habite ici, je vote pas. J'ai envie de voter. Et je veux aussi avoir mes papiers avant qu'il y ait des nouvelles élections bizarres. Je veux, voilà, donc... Comment ? Faut appeler Badinter. Ouais, je suis là, Robert. Non, mais c'est vrai, je fais des papiers, en fait, donc j'attends. Il y a Sarkozy qui vient d'appeler, il a dit que c'est pas du tout d'accord. Daniel Morin. Une petite manie avant de rentrer sur scène. J'ai besoin de bien rigoler avant, en fait. Ouais. Parce que ça me détend. Ce serait pas une seconde mère, le titre du film ? Une seconde mère ? Ouais. T'as pas le titre en brésilien ? Parce que, à mon avis, j'ai fait allemand. Si. Una segunda. C'est ça ? Segundo de maman. Si, seconde mère. Segundo maman. Segundo de maman. Segundo de maman. Daniel Morin. Des excuses à présent. Désolé pour toutes les feignasses de 35 piges qui nous écoutent depuis leur chambre chez papa et maman. Notre psy vous l'a dit. Vous êtes tous des boulets dehors, bande de parasites. Désolé pour tous les gens un petit peu idiots, comme notre rédacteur en chef et nombreux sont qui nous écoutent aussi, qui s'interrogent sur la temporalité dilaté. Pour expliquer tout ça, on a mis une vidéo de Leïla sur le site de l'émission. Attention, vidéo interdite au moins de 18 ans. Désolé pour ma maman qui, après avoir écouté ma chronique sur l'amour qu'on peut éprouver pour sa mère, a décidé de divorcer de moi. Maman, tu sais pas ce que tu perds. Enfin, si tu sais, enfin bon, on va pas en revenir. Merci Christiana en tout cas. Et comme merci. On dit, dans ce métier, dans votre métier, merde pour ce rendez-vous ment au Théâtre du Petit Saint-Martin merci, à partir Nagui. Du 28. Merci à tous. Philippe Bertrand pour les carnets de campagne. C'est bon, me dire, amigos, comment est-ce que tu danses ? Oula. Vamos lá. Salut. Salut. Dispensao, irait-il. Je suis sur le site de la Globo, chercher le titre de la série télé. Vous avez compris ce qu'il a dit ou pas ? Ouais, il y a de la pub pour les sexes et il n'y a que du sexe. C'est incroyable quand même. Sur le site internet de TV Globo ? Oui, ouais. Il y a de la pub. Ferme cette fenêtre tout de suite. Ce sont des pop-up. Ouais, ça s'appelle des spams. C'est le site précédent sur lequel vous étiez qui vous rappelle sa mémoire. Alors, la série s'appelle Alley do Amor. Ah, ça, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle. Je ne suis pas parce que bon, je travaille quand même un peu. Ouais, mais il y en avait une qui était géniale qui s'appelait Avenida Brasil. Si vous tapez Avenue Brésil, Avenida Brasil, vous allez trouver, c'était une super série sur un jeu. J'adore le brésilien. Le portugais, c'est tellement chantant. Oui. Oh là tellement là. Chantant. Bonne émission, Philippe. Muito Braga. Salut. Oui, c'est ça, salut. Bisous. Bisous. Ouais, c'est plus simple que ça. Bisous. Bisous, c'est bien bisous. Oh, bon, ouais, c'est bien. Comment on dit bisous en Bessos ? Beijo. Ah, beijo. Bisous, c'est Beijing. Beijing. Moi, la pendule est en train d'exploser, là, j'ai plus de temps pour les émissions. Il est l'heure. Christine, sociétaire Massif. J'aime bien tout organiser. Mes vacances, mes sorties. Alors, pour mes obsèques aussi, j'ai tout prévu. Avec Garantie Obsèques de la Massif, j'ai le pouvoir de financer et d'anticiper l'organisation de mes obsèques. C'est plus simple pour mes proches et moi, je suis sereine. Massif. Essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Voir conditions et limites du contrat sur massif.fr. Le contrat garanti obsèques proposé par la Massif est assuré par Massif Mutualité, mutuelle régie par le livre 2.